copain. Nous sommes encore une fois tous ensemble donc dans l'émission Mavrika le vendredi soir à partir de 20h. 20h. Oui, sur Radio Arc-en-Ciel, bah, tout à fait, à partir de 19h plutôt. Parce que je regarde la pendule, il y en a toujours une qui est pas à l'heure. Donc c'est pas bien grave. Donc à partir de 19h jusqu'à 22h, vous êtes dans l'émission Mavrika, comme tous les vendredis. Et ce soir, donc nous n'avons pas d'invité une fois de plus. Hein, donc on va faire encore des récapitulatifs de des émissions. On va diffuser toutes les musiques des artistes qui sont venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ou pas, hein, certains sont pas encore venus, mais on aimerait bien les recevoir. Depuis le début de l'émission, on a reçu les Bull Run déjà à deux reprises ici et on les a écoutés donc au début d'émission avec un morceau qui s'appelle Fire on Hate, voilà, les Bull Run, et juste après on a écouté un morceau des Burning Heads avec Fear. C'est un morceau qu'on a écouté juste avant le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant qui s'appelle Comme une Insecte, et un morceau qui s'appelle Que restera-t-il de toi. Voilà, on est ensemble jusqu'à 22h, on a plein de musique à diffuser, donc je vais vous concocter ça comme d'habitude aux petits oignons. Vous allez écouter plein de bonnes musiques, j'essaie de parler le moins possible parce que priorité à la musique sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. Alors aujourd'hui c'est l'édition numéro 491 déjà. On s'approche de plus en plus des 500, hein. Et donc à partir de 2022 on va commencer à recevoir à nouveau des artistes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, donc je vous tiendrai au courant d'ici là, il n'y a pas de souci. En tout cas on va aussi écouter pas mal de petits enregistrements qui ont été faits lors des précédentes émissions, et des bons moments comme on a l'habitude qu'on a partagé ensemble, hein, parce qu'il y a beaucoup d'émotions et de moments super agréables qu'on a passé tout au long de ces 11 ans de l'émission Mavrika. Bon, on est dans la 12e année. On est bientôt à la fin de l'année 2021. J'espère que l'année 2022 sera bien meilleure. En attendant, nous, on va continuer avec un groupe qui est passé il n'y a pas très longtemps dans les studios Radio Arc-en-Ciel. On va vous passer un morceau qui a été enregistré en studio cette fois-ci. C'est pas le morceau qui a été enregistré dans l'émission. C'est Dirty Charlie avec un morceau qui a été repris d'un célèbre groupe, les Rolling Stones. Le morceau s'appelle Painted Black. Et juste après, on écoutera Mess sans papier. Vous êtes dans l'émission Mavrika, c'est sur Radio Arc-en-Ciel tous les vendredis soirs de 19h à 22h. Voilà, on est ensemble pour 3 heures de musique. Ah, quelle interprétation, cette reprise des Led Zeppelin. Rock and roll par le groupe Shaking Mats. Vous êtes dans l'émission Mavrika, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Et rock and roll, bah, c'est le titre de ce morceau et c'est aussi le mot-clé de cette émission.

décomposition. Tous les artistes disent merci tonton Marika. Les couleurs de l'arc-en-ciel Marika, sur tes ondes éternelles Marika, pour Marika, l'émission du soir. Albino, quel talent! David avec sa rubrique, Morgane Alicia photographiant. Unanimité authentique, des auditeurs fidèles. La Marika famille.

Excellent groupe Computer Kill People que nous avons eu la chance de recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il y a quelques années déjà, hein, le temps passe très vite. Voilà, ils étaient venus nous présenter plusieurs morceaux, dont celui-là, Omega Male. Juste avant, c'était les Broken Glass avec Kill Your Love. Et encore avant, nous avons écouté aussi le collectif Mavrika avec cette superbe chanson qui nous rappelle de très bons souvenirs. Beaucoup de temps partagé avec beaucoup d'artistes de la région orléanaise pour enregistrer cet hymne de Mavrika. Et encore avant, c'était cette musique super puissante du groupe Metz, un morceau qui s'appelle « Sans papier ». Tout de suite, on continue avec un autre groupe que nous avons déjà reçu aussi dans les studios de Radio Cancel. Il s'agit de Summer Chance. Le morceau qu'on va écouter, c'est un morceau assez récent et il s'appelle Maze. Juste après, nous écouterons Willy, qui est venu il y a quelques semaines dans nos studios pour nous présenter ses projets. Le morceau que nous allons écouter s'appelle Sherry. Tu es là près de moi, à tous les Avec

Le groupe s'appelle My Taylor is Beach et le morceau qu'on vient d'écouter c'est Nothing is Here is Real. Juste avant c'était The Hits avec The Hits plutôt exactement avec Checkmate. Encore avant c'était Arrigoni et Georgia Poulikin avec le fameux titre Défends-moi. Custom avec R&R Party, donc Rock'n'Roll Party. Les Broken Arms avec À Savoir. La Jarry, on n'a pas le choix. C'était précédé d'un petit morceau enregistré dans la session 435 de l'émission Mavrika. C'était le petit Papa Noël. Encore avant, Accident Instantané Évaporé. Et on avait commencé cette série musicale avec Joseph César qui nous faisait une reprise du fameux titre de Wham! Last Christmas. Voilà. Encore avant, tiens, je vais remonter un petit peu plus loin. On avait écouté aussi Les Frissons avec Et me voilà reparti. Donc c'est la première diffusion dans l'émission Mavrika. C'est tout chaud. On l'avait reçu la semaine dernière pendant l'émission. Donc il nous l'avait envoyé. Donc on vous le diffuse avec beaucoup de plaisir. Et encore avant, c'était un morceau enregistré en a cappella. C'est vrai que peu d'artistes dans l'émission Mavrika ont pris le risque de chanter en a cappella. Et c'était donc Élodie Chelot. Il y a 15 jours qui nous avait interprété un morceau de Monsieur Serge Gainsbourg qui s'appelle La Javanaise. C'était dans la session Mavrika 479. Voilà, on est dans l'émission Mavrika, on a encore quelques temps à passer ensemble et on a encore plein de bonne musique. Alors je vous propose d'écouter tout de suite des Twister Cover avec All Alone et ça sera suivi de Noitol, I Don't Care. Restez avec nous sur Radio Arc-en-Ciel. Stay on my love just like you're in your body. Les habitués de l'émission ont déjà reconnu le groupe Prisma avec le morceau Rock Now. Juste avant, c'était Neutral avec I Don't Care. Encore avant, les Twister Cover avec All Alone. Et on va continuer toujours en beauté avec un artiste qui était dans nos studios il y a quelques semaines. Il s'agit de Bruno Bauer. Et le morceau qu'on va écouter, c'est Always the Eye. Mais rien ne l'inquiète, oui, mais Jack, ennemi public numéro un, mais d'un rien. Tu deviens assassin, tu pars, tu cours, tu voles devant tes années folles. Devant tes années folles, ce mérine. Séducteur aux faces multiples. Amour d'âme, créant de grands vacarmes passibles. D'humeur assassine, fermentant la cohue. Partout dans la rue et Paris. Tu vis toute sa folie le matin. Dans tous les quotidiens. Dans tous les quotidiens. Sévérine. Parution des magazines. Baby.

Kill the Shade sur Radio Arc-en-Ciel avec le titre Promise. Juste avant, c'était IFP, Infernal Flash Pep, un groupe malheureusement qu'on va regretter quelque temps, puisque très longtemps même, je pense, puisque le groupe n'existe plus, mais les membres sont dans d'autres formations. Il y a déjà des trucs qui sont en cours, donc on va quand même suivre l'actualité musicale. Et le morceau qu'on écoutait s'appelle IFP avec Battery Love. Encore avant, c'était un morceau très court, comme ça, un petit peu acoustique. Ça parlait de l'ennemi public numéro un, Mérine, avec Delaney, qui était venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel nous présenter leur travail il y a quelques temps. Encore avant, c'était Bruno Bauer avec Always the Eye. Et on va continuer tout de suite avec les Chili Dogs, I Won't Be Alone. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et c'est l'émission Mavrika jusqu'à 22h. Heaven, hot and peppers. I won't be alone, non, je suis pas tout seul. Merci d'être avec moi et d'écouter Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 MHz et sur radio-arc-en-ciel.fr. On vient d'écouter les Chili Dogs avec I won't be alone et juste après, ça sera les Toxic Lily, un groupe qui était venu de Paris pour une émission dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et qui avait aussi participé à un Maverick Live. Donc, on va écouter un morceau qui s'appelle Voodoo Dance. Vous êtes en compagnie d'Albino jusqu'à 22h. tard, je me souviens pas toi. Toi, tu te souviens à peine de moi. De qui t'étais avec ta tête. Ça me paraît vite sous tes lunettes. C'est pas que je m'ennuie avec toi, tata. Mais y'a le présent qui m'attend en bas. Ta mémoire se fume comme ma cigarette. Et ça me fout le moral dans les chaussettes. Passe ton jour à attendre le dernier. Depuis que ce cafard bouffe ton identité. Éternel recommencement du passé. Et ça me donne du mal pour espérer. Revoir le soleil de quand j'étais minot. Le ciel si pur que m'inspiraient tes mots. Mais qui de nous deux est l'enfant à présent. Je crache cette douleur pour ma deuxième maman. Je trace mon chemin sur les rides de tes mains. J'ai bâti mes murs sur les ruines des tiens. Mais putain c'est dur de te annoncer tout le temps que tu es veuve maintenant. Je trace mon chemin sur les rides de tes mains. J'ai bâti mes murs sur les ruines des tiens. Mais putain c'est dur de te annoncer tout le temps que tu es veuve du temps. Que le temps s'est arrêté, l'été passé, que la vie vit à l'automne va faner. J'ai comme envie de secouer le sablier. Quand je vois à quel point le mot bonheur t'est abstrait. Cette ritournelle ne te fera pas voir ton monde. Tes souvenirs se cassent un peu plus chaque seconde. Je trace mon chemin sur les rides de tes mains. J'ai bâti mes murs sur les ruines des tiens. Mais putain c'est dur de te annoncer tout le temps. Tu es veuve maintenant. Je trace mon chemin sur les rides de tes mains. J'ai bâti mes murs sur les ruines des tiens. Mais putain c'est dur de te annoncer tout le temps que tu es veuve du temps. Que tu es veuve du temps. Que tu es veuve du temps. Tu es veuve du temps. Tata, je me souviens pas toi. Toi, tu te souviens à peine de moi. De qui t'étais avec ta tête. Ça me paraît vite sous tes lunettes. Qu'est-ce qui fait que nos contacts s'essoufflent? Qu'est-ce qui freine le bolide en pleine course? Est-ce que tu sens la solitude dans le gouffre? Quand tu te prends pour Épicure à pleine bouffée. Sentiment fort, tu sais que tes amis te manquent grave. Toi qui ne souhaites qu'étirer ton espace-temps. En fort de chair, tes actes manqués se cumulent. S'entremêlant, collision de déjà-vu. On dit qu'à chaque jour que l'on survit suffit sa peine. De grands écarts entre les hauts, le cœur et les ivresses. Invraisemblables comme les âmes sœurs s'entraînent. En proportion du vide que creuse l'absence. Quand les symptômes de logorée te contaminent à table. Que ta vie est une vraie version d'Hakuna Matata. L'esprit qui plane est proche de celui du Mahatma. Partage sans comptable d'empathiques accolades. Un coup pina colada, emprunt de feijoada. L'Orient s'invite au beau milieu d'un plat de poulet yassa. Yassadou qui s'esclave suivi par Monsieur Filali. Humour de frange, inconnexion télépathique. Tu estimes le pourcentage de poteaux qu'il te reste. Multiplié par les promesses, remplacé par les gestes. Tu divises le produit par les dispos de ton planning. Et tu paniques devant les dates restantes incompatibles. Y'a ceux qui compatissent, comprennent tes priorités. Te check comme la veille même si ça fait une éternité. Et y'a les autres sur lesquels tu ne peux pas trop compter. On a tous nos raisons que l'amitié n'a pas captées. Parfois j'ai l'impression d'incarner le gros chat sylvestre. Investi de l'instinct de l'affamé qui chasse une bête. Et même si j'assume d'être ce fantôme aux 100 000 textos. Les tiroirs dans ma tête me disent qu'une promesse est une dette. Pour qualifier le lien, on détermine sa robustesse. Qui tient elle-même à la façon dont on resserre les tresses. Quand je repense aux frères et sœurs présents dans mes détresses, je ne peux que confirmer l'adage qui dit que les vrais restent. Qu'est-ce qui fait que nos contacts s'essoufflent? Qu'est-ce qui freine le bolide en pleine course? Est-ce que tu sens la solitude dans le gouffre? Quand tu te prends pour Épicure à pleine bouffée.

directeur de Banque du business, secrétaire d'État assistant, marchand d'armes, voyou en col blanc, n'ont qu'un seul but dans l'existence, massacrer ceux qui n'ont pas eu de chance. Ils jouissent quand t'es dans la mélasse, ils ont gagné la guerre des classes. Les élites, les élites, les élites. Les élites sur Radio Arc-en-Ciel, interprétées par le groupe Barricade. Juste avant, c'était Mathis Poulain avec Ce Monde Parfait, Mourad avec La Femme Parfaite, Sadou avec Mental, Jartel avec Tata, et on avait commencé cette série musicale avec les Waterfall, Ma Religion. Bah, c'est en français, tout simplement. Je sais pas pourquoi je prends l'accent anglais. Enfin, c'est très drôle, mais c'est comme ça, j'étais en train de lire. Donc, on arrive à la dernière demi-heure de cette émission Mavrika, hein, puisque nous passons 3 heures tous les vendredis soir. Sauf, la semaine prochaine, la semaine suivante, puisque on se donne rendez-vous pour le 7 janvier, puisque la semaine prochaine, bah, c'est Noël, et la semaine suivante, ça sera le jour de l'an, quoi. La veille, le réveillon, et donc il n'y aura pas d'émission Mavrika. Donc en tout cas, j'espère que vous allez passer une très bonne fin d'année. On se retrouve l'année prochaine, il n'y a pas de souci, hein, de toute façon, toujours pour l'émission Mavrika. Si vous avez un groupe, si vous avez un projet, si vous avez envie de venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous en parler, eh ben, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook. Je mettrai un petit message. Je vais essayer de m'occuper du programme de la rentrée, donc à partir de janvier 2022. Il y aura à nouveau ici des artistes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà. On va continuer encore un petit peu avec des artistes qui devraient venir normalement à partir de 2022. Ils me l'ont promis en tout cas. C'est le groupe Transchacal Express. Et on va écouter tout de suite un morceau qui s'appelle Les origines gynécologiques du djinn. Transchacal Express. Traverser la mer sur des barques sommaires, et combien de mes frères ont pris le chemin vers l'enfer. Tout ce courage, tout cet espoir, on vient d'Alep ou de Dakar. Il y a eu des adieux, des au revoir, tout ça pour finir au placard. J'ai fui la guerre, quitté l'enfer, j'ai quitté ma terre là-bas. La vie avait un goût amer, j'ai quitté les miens, choisi le long chemin, les peurs et les pleurs vers un monde meilleur. J'ai choisi l'exil pour exister. Quand je demande droit d'asile, on me ferme la porte au nez. Vous savez, je suis pas si bête, je suis quelqu'un d'honnête. Malgré tout ça, on me rejette. Pourquoi ? On juge à ma tête. Entre vous, vous vous dites prudence. Ces gens-là nous font offense. Ils ne sont pas des nôtres. Ils insultent nos apôtres. Mais pourquoi tant de méfiance? Moi aussi j'ai une conscience. Et si personne me fait confiance, mais qu'est-ce que je fous en France? J'ai fui la guerre, quitté l'enfer, j'ai quitté ma terre là-bas. La vie avait un goût amer, j'ai quitté les miens, choisi le long chemin, les peurs et les pleurs vers un monde meilleur. J'ai fui la guerre, quitté l'enfer, j'ai quitté ma terre là-bas. La vie avait un goût amer, j'ai quitté les miens, choisi le long chemin, les peurs et les pleurs vers un monde meilleur. J'ai a dans nos cœurs. C'est vrai que sur terre, il y a des ordures qui ne savent pas ce qu'est le bonheur. Qu'on soit juif ou musulman, chrétien ou bouddhiste, ce que je demande simplement, c'est que les religions coexistent. J'ai fui la guerre, quitté l'enfer, j'ai quitté ma terre là-bas. La vie avait un goût amer, j'ai quitté les miens, choisi le long chemin, les peurs et les pleurs vers un monde meilleur. Sur l'amplificateur de mes nanas, de mes narounes. Jessica, t'es qui toi, t'es qui là, pour inventer, aux origines. Gynécologie du G, pour inventer, aux origines. Gynécologie du G. Allô, allô, Jen, ma lumière halogène. T'es un génie en jean, moi dans un étoile de Jen. T'as le génie du jean, mais c'est pas ça la vie, Jen. La vie, ta vie, ta vitesse a trinqué. La vie t'a fait trinquer, de saquer en saquer. La vie t'a saqué, Jen, c'est ça qui t'a cassé. Jusqu'au zaza ou un origine. Gynécologie du jean. Jusqu'à où zaza ou un origine. Gynécologie du jean. C'est si un, c'est celle qu'on n'oubliait jamais. Cécile, elle était belle, elle avait des îles aux ailes. Mais voilà sa cervelle, a dû se faire la belle. De verre en verre de belle, et c'est tout plus elle. Tu ne parles plus, tu es celle qui est belle. Tu fais plus d'étincelles, Cécile, l'eau sans tes ailes. Tu es tombée aux origines. Gynécologie du G. Tu es tombée aux origines. Selon les, jours rouges, selon, les jours. Tu as goûté à tout, à tous les breuvages. Tu es allé zazazos au bout du voyage. Jusqu'au zazo, aux origines. Gynécologie du jean. Jusqu'au zazo, aux origines. Gynécologie du jean. Tu es tombé, bébé Gina. Tombé au fond, de la bébé, non, prends au fond du bébé. Du biberon céleste, tu t'es croyé en quête. Doré, doré, doré sans funeste. La vodka de la défonce n'a pas pris ta défense. Au bébé, au Gina, Gina vodka, t'ont renvoyé aux origines. Gynécologie du gin, t'ont renvoyé aux origines. Gynécologie du gin. T'as vu, tu t'es vu Vicky. tu as goûté tous les potages et d'étage en étage, ton cœur volage, volé comme un whisky, whisky king, c'est le whisky king, Vicky c'est le whisky, oh mais coquin king, ton ex payé, moi c'est l'origine, gynécologique du gin, ton ex payé, moi c'est l'origine. Thank you. écouter Tranche à Calais Express avec Origine gynécologique du jean. Juste après, c'était Yeti avec un titre de circonstance, puisqu'il s'agit de Christmas. Arcadia avec Sur le moment. Et à l'instant, c'est une session acoustique Mavrika. Oui, c'était les 100 Miles dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. En direct live, ils avaient interprété ce morceau qui s'appelle Falling Star. Juste après, ben, on va se écouter encore deux morceaux. Et puis, je vais en profiter pour vous dire au revoir. Et puis, surtout, passez de bonnes fêtes. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Donc, en 2022, j'espère que cette année, ben, ça sera l'année du réveil et qu'il y aura plein de choses qui vont se passer à nouveau, aussi bien pour vous au niveau musical que professionnel, que dans tout ce qui est positif dans la vie, en tout cas. On va donc dire les phrases magiques. La première, c'est que rock and roll soit avec vous. La deuxième, c'est une vie sans musique serait une erreur. La troisième, c'est everything is gonna be alright. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas. On se quitte avec les Goodbye Watson, Friday Night, et juste après Skawax, Motherhood Syndicate. On reste sur en contact sur Facebook, hein. N'hésitez pas à me laisser des petits messages. Et on se retrouve le 7 janvier sur Radio Arc-en-Ciel. Qu'elle protège si quelqu'un déraille sur qu'il tomberait dans un piège. laisse pas maman, ne me laisse pas maman. Ne blague pas avec maman, ne blague pas avec maman. Ne pète pas maman, ne pète pas maman. Ne me laisse pas maman, ne me laisse pas maman. Ne me laisse pas maman, ne pète pas maman. Ne blague pas avec maman. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. You will see.